Sept femmes de Lydie Salver. Troisième épisode, Marina Tsvetaeva. Texte dit par Lydie Salver. Elle s'appelait Marina Tsvetaeva et la poésie, disaient ses proches, sourdait d'elle et jaillissait comme l'eau vive des fontaines. Une poésie de naissance et d'avant la naissance, qui procédait d'un sentiment d'exil fondamental, un sentiment qui lui faisait dire qu'elle était juive et que du reste, tous les poètes étaient juifs. Doublée d'un goût de la vérité dont elle ne pouvait ou ne voulait diluer la violence. « Et maintenant, je vous avoue, une de mes vilaines passions, » écrivait-elle à Pasternak, « tenter les gens, les éprouver, par une sincérité excessive, sans précédent. La tentation par la vérité. Qui la supportera ?» Ils furent rares ceux qui la supportèrent, et là fut en partie son malheur. Comment supporter une voix si farouchement libre qu'elle révélait sans coup férir la comédie de ceux qui n'habitaient pas leurs paroles? Comment supporter une parole dont la seule profération mettait à jour les impostures et renversait les paravents? Une parole qui se proposait d'arracher les masques, même si la peau et la chair viennent avec. On la disait intrépide. Ça l'amusait, elle qui précisément avait peur de tout. Peur des automobiles, peur des maisons, peur des gens de lettres, peur du métro, peur des socialistes révolutionnaires. Peur de tout ce qui est le jour et de rien de ce qui est la nuit. Quand on me parle de mon grand courage, de mon renoncement, de mon intrépidité, que je le veuille ou non, et mieux vaut vouloir, je ris. En effet, j'y suis vouée. Elle disait qu'elle était condamnée au mot. Condamnée à vouloir l'impossible qui émane du domaine des mots. Elle disait qu'elle ne tenait pas sa plume, que c'était sa plume qui la tenait. Qu'elle n'avait pas choisi la poésie comme on choisit un métier, un habit, un programme. On ne choisit pas le feu, la haute mer, la troupe des vents et l'engagement entier de tout l'être comme on choisit le reste. D'ailleurs, on ne commandait pas au vers. On essayait seulement de se soumettre en tremblant au commandement qu'il vous faisait. Et on tentait d'y répondre de la plus juste façon, c'est-à-dire en s'y consacrant entièrement, passionnément et au détriment de tout. Ce qui lui fit écrire un jour, sur le cahier dont elle ne se séparait pas, ceci qui aurait pu être sa devise. Tout, l'écriture exceptée, n'est rien. Cette écriture, de son vivant, se heurta à une surdité quasi totale et qui, d'une certaine façon, la tua. Quelle malséance, quel crime Tsvetaeva avait-elle donc commis pour être aussi violemment tenue à l'écart en France où elle trouva refuge, comme en Union soviétique où elle était née? Elle tenta de trouver les raisons de cette mise au ban et avec l'impitoyable lucidité qui était la sienne, désigna sa répulsion congénitale pour tout esprit de cercle qu'aucune société n'absout facilement. La nature même de son œuvre, qu'elle disait homérique, à rebours de son temps qui n'aimait, disait-elle, que ce qui est amorti. Son farouche mépris des églises triomphantes, les politiques comme les littéraires, qu'elle défiait toujours à visage découvert, et son refus de composer avec les porcs, je veux dire avec les pouvoirs régnants, leurs calculs, leurs ambitions et leurs surenchères partisanes. Son refus, par exemple, de répondre aux attentes des cercles parisiens de l'émigration russe, malade d'une nostalgie qui n'était pas la sienne. Et son même refus d'adresser un joli compliment à Staline, comme la plupart s'y pliaient. J'ajouterai à ces raisons celles qu'elle-même n'aurait su dire. Une modernité dans l'écriture qui ne pouvait, de son temps, que déconcerter, et une liberté d'esprit que rien ni personne ne pouvait museler et que tous, au fond, redoutaient. Car Tsvetaeva était ainsi faite qu'elle pouvait élever un tombeau à Maïakovski et à sa ferveur révolutionnaire, ce qui ne faisait qu'offusquer les milieux des Russes en exil, et dans le même temps, faire l'éloge imprudent de la garde blanche ou afficher son goût d'aristocrate pour un passé révolu qu'il a désigné aux yeux des bolcheviks comme la pire ennemie de la révolution. Tsvetaïeva était ainsi faite qu'elle pouvait écrire non sans déchirement, mais le déchirement était sa condition et l'un et l'autre de ses éloges, puisqu'elle n'était, disait-elle, ni nôtre, ni vôtre. Ni nôtre, ni vôtre, mais d'une autre espèce. Ni l'écrivain pro-soviétique que toute la presse de l'émigration russe s'accorda à montrer du doigt à partir de 1928, ni la charmante enfant, la monarchiste romantique, la romantique monarchiste, qu'Ehrenburg lui pardonnait d'être, comme on pardonne aux enfants leurs caprices et aux coquettes leurs péchés mignons. Tsvetaïeva était de cette poignée d'insensés pour qui vivre se confondait avec le refus farouche de prendre un quelconque parti, et ce, aux fins de protéger une liberté intérieure qui était leur précieux, leur unique, leur inestimable bien. Tsvetaïeva était en dehors. Que puis-je faire, chanteuse et première-née, dans un monde où le noir d'entre les noirs est gris, où l'on garde l'inspiration dans un thermos, avec cette démesure, dans un monde de mesures? Tsvetaïeva n'était pas faite pour ce monde. Elle le disait souvent, je ne sais pas vivre, vivre ne me plaît pas, vivre me fait mal, je n'aime pas la vie terrestre. Je n'aime pas vivre avec les gens. J'aime le ciel et les anges. Là-haut, avec eux, je saurais bien m'y prendre. Tsvetaïeva était ailleurs, dans un ailleurs insituable que parfois elle appelait l'âme ou l'île. L'île où nous sommes nés, écrivait-elle à Rilke. Ce refus de se laisser prendre au piège du social et de mimer la grimace des hommes, elle en paya toute sa vie le prix. Puisque n'appartenant à aucun camp, elle devint la pestiférée de tous, puisqu'au nom de la pureté dont les moins purs comme toujours se prévalent, Tsvetaïeva fut disgraciée, condamnée ou pire, ignorée par ceux-là, innombrables, qu'un tête-à-tête avec une parole libre et singulière jetait dans l'épouvante. Tsvetaïeva, à la longue, finit par en concevoir une immense tristesse. Et le cœur coule en roulant ses cailloux, écrivait-elle à Boris Pasternak en novembre 1927. Sa correspondance avec Pasternak débute le 14 juin 1922, alors que, partie d'Union soviétique où l'air est devenu irrespirable, les libertés bafouées et la terreur montante, elle s'apprête, depuis Berlin, à gagner la Tchécoslovaquie pour y rejoindre son mari. Ce jour-là, elle ouvre une lettre qui porte le cachet de Moscou. Ses mains tremblent. La lettre, signée Boris Leonidovitch, commence par ces mots. Chère Marina Ivanovna, tout à l'heure, comme je lisais à mon frère votre « Je sais, je mourrai au crépuscule », lequel des deux ? Il s'agit d'un vers du recueil Verst. Ma voix a tremblé et une vague de sanglots longtemps contenus m'est montée à la gorge. Le 29 juin 1922, Tsvetaïeva lui répond ceci. Cher Boris Leonidovitch, la tentation de l'heure nocturne et la première impulsion surmontée, je vous écris dans la blanche lucidité du jour. J'ai laissé votre lettre refroidir en moi. Je l'ai laissé s'ensevelir dans les décombres de 2 jours. Quand subsistera-t-il ? Ces 2 lettres marquent le début d'une des plus belles correspondances qu'il m'ait été donné de lire. Correspondance d'âme à âme, de rêve à rêve. De mon rêve, j'ai sauté dans le tien. Lieu de la plus haute amitié, d'une parole partagée entre 2 êtres qui d'emblée se reconnaissent. Où chacun, dans sa tentative de cerner l'art poétique de l'autre, avec cette intuition de cela qui aime et qui admire, livre dans un même mouvement quelque chose de soi. Où les 2, descendant jusqu'au grand fond d'eux-mêmes, finissent par se joindre et amoureusement s'entre-influencer. Cette correspondance se continuera jusqu'en 1936. À travers les calamités d'une époque où tout n'est que rouille et ronce, et malgré la distance qui les sépare, ou peut-être grâce à elle, ces deux écrivains vont s'écrire et écrire à quatre mains ce que je considère comme une œuvre littéraire à part entière, une œuvre qui échappe à tout classement dûment étiqueté. Long poème d'amour, roman épistolaire, journal intime, témoignage sur le vif d'une période qui changea la couleur du monde, tout cela à la fois et bien plus que cela. Marina attend comme une folle chacune de ses lettres. Un seul mot de lui, et c'est le bonheur. Lui la trouve géniale. Il voudrait retourner son âme devant elle. Il lui dit qu'elle est l'air de son cœur, qu'il respire jour et nuit. Elle lui confie son idée du poème, qui n'est pas séparé de la vie, qui est engagement tout entier de son être, qui n'est donc pas un supplément d'existence, mais l'existence même. Chacun devient le lecteur le plus accueillant de l'autre, le plus juste, le plus pertinent, le seul. La lecture de l'autre les brûle, c'est ce qu'ils disent, et chacun s'y abreuve. Et ainsi pendant des années, avec des hauts, des bas, des éloignements, des retours, des craintes. Crainte pour elle que leur rencontre réelle, qu'ils évoquent souvent, ne détruise leur amour. De tendres ruses, d'explosives jalousies, des attentes frustrées. Mais l'amitié toujours, l'entière confiance toujours, une sensibilité magnifique toujours, de chacun aux écrits de l'autre. Ce qui n'empêche nullement Tsvetaïeva d'aimer d'un amour inentamable son mari Sergueï Efron et de s'enticher à intervalles très réguliers d'un homme ou d'une femme sur qui elle a jeté étourdiment son dévolu. Mais jamais ces passions successives, ces brusques incendies, ces fables que sans cesse elle s'invente ne l'empêchent de revenir vers Pasternak, son Boris chéri, son frère. Et leurs lettres suivent le courant de leur vie que les événements de 17 ont poussé loin l'une de l'autre. Durant son exil tchèque, de 1922 à 1925, c'est à Pasternak que Tsvetaïeva dit le puits, les oies, le ruisseau au bas de la pente, les deux pièces sillonnées de tuyaux, le gros poêle en fer comme à Moscou, et son sentiment profond d'être une apatride. C'est à lui qu'elle confie ses souvenirs de la Russie aimée, d'où on l'a extirpée, dit-elle, à quatre mains. C'est à lui qu'elle dit plus tard sa détestation de Paris, la ville la plus terrifiante du monde et la plus improbable. Paris où elle arrive en novembre 1925 avec son mari et ses deux enfants, Ariadna, dite Alia, et Georgi, dit Moore, né en février et qu'elle a failli appeler Boris, on en devine la raison. 10 ans plus loin, au mois de juin 1935, Tsvetaïeva et Pasternak vont s'éloigner l'un de l'autre. Elle, dans le chagrin et la révolte, lui pris dans des ambiguïtés politiques qui le conduiront quelques années plus tard à une impasse. Un congrès international pour la défense de la culture et la lutte contre le fascisme se tient à Paris cette année-là, et Pasternak a accepté d'être désigné par Staline pour représenter la nouvelle littérature soviétique. Tsvetaïeva, qui ne peut imaginer la violence des pressions morales que subissent les écrivains russes, qui ne peut imaginer le chantage effroyable auquel ils sont soumis, Tsvetaïeva ne peut voir dans l'acceptation de Pasternak qu'une forme impardonnable de capitulation. Elle ne saura jamais ce qu'il en coûtera à celui-ci d'avoir fait un moment allégeance. Elle ne saura jamais qu'il le paiera pendant près de 20 ans de l'impossibilité presque totale de créer. Sur le moment, elle ne sait qu'une chose, c'est que le seul être au monde qui ait cru en elle, son frère d'altitude, son égal en vertu, son espoir, sa montagne, celui qui l'a si souvent épaulé, apporte désormais sa caution à une politique infâme qui tient en laisse la littérature, et, partant, la tue. Tsvetaeva et Pasternak ont cessé de se comprendre. De s'aimer, je ne sais pas. Les années 37, 38, 39 voient Tsvetaeva sombrer dans une détresse qui lui mange le cœur. Réduite à la plus grande pauvreté, enfermée dans un isolement qui lui enlève jusqu'au goût d'écrire sa seule raison d'être, Tsvetaeva ne sait plus où trouver le sens qui légitimera sa vie. À quoi sert tout mon travail de plus de 20 ans, toute ma vie, à amuser les bien portants qui s'en passent? La communauté des exilés russes lui tourne le dos. Pas un écrivain français ne lui vient en aide. Et elle a peur de revenir dans son pays natal, tout en se demandant si à tout prendre, l'opacité sifflante de l'URSS ne serait pas préférable à la futilité française qui la laisse mourir de solitude. Avec ce qui lui reste d'énergie, elle écrit en 37, à l'occasion du centenaire de Pouchkine, « Mon Pouchkine », et propose ses traductions à des maisons d'édition françaises dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour subsister. Mais on lui préfère une très charmante personne, très ignorante de Pouchkine, mais amie d'un très puissant monsieur. La France restera toujours la France. Tsvetaeva est écœurée. Cette année-là, un événement grave va rendre encore plus dramatique son malheur français. Un ancien agent du NKVD, soupçonné d'avoir trahi la confiance de Staline, est retrouvé assassiné et l'enquête diligentée mène droit à la cellule française de Sergueï, chargée de le punir. Craignant d'être arrêté, Sergueï s'enfuit aussitôt en URSS, laissant à leur sort Marina et Moore. Alia, proche de son père, dont elle partage les opinions pro-soviétiques, est déjà partie pour Moscou. Marina, interrogée par la police, refuse de croire en la culpabilité de son mari et produit, pour le couvrir, de faux témoignages. Alors, elle qui était déjà montrée du doigt par la communauté des exilés russes, devient désormais la bête à abattre, la réprouvée, la renégate. On ne la salue plus. On se détourne d'elle, comme d'une pestiférée. Rester en France en supportant un tel opprobre relève pour elle du martyr. Elle se voit acculée au retour vers un pays qu'elle sait criminel et où les purges succèdent aux purges à un rythme qui fait frémir. Elle quitte la France le 12 juin 1939 et débarque à Léningrad une semaine après. À Léningrad, Tsvetaeva découvre une ville dont les murs sont couverts de portraits de Staline, tous adornés de faucilles et autres instruments contondants, et où les quelques personnes qu'elle questionne frémissent de peur à l'idée d'être dénoncées au NKVD. L'Union soviétique est devenue un pays terrifié. Tsvetaeva sait à présent qu'il lui sera impossible d'y vivre. Le 19 juin 1939, elle arrive avec Moore à Bolchevo, aux environs de Moscou, où l'attend Sergueï dans un appartement communautaire destiné aux agents du NKVD. La vie commune est difficile, la maison inconfortable et Marina de plus en plus triste. Tous ses livres et ses manuscrits sont restés bloqués à la douane, où ils resteront un an, et il lui manque affreusement. Pasternak, qui lui reste attaché en dépit de leurs différends, lui fournit quelques travaux de traduction. Sa fille Alia est arrêtée le 27 août, Sergueï le 10 octobre, les deux accusés d'être agents des services secrets français. Dans les jours qui suivent les arrestations, Tsvetaeva court affolée d'un bureau à l'autre pour savoir où sa fille et son mari sont détenus et quand aura lieu leur jugement. Pendant quelques semaines, on lui donne des nouvelles. Puis, plus rien. 1940. Tsvetaeva se trouve dans un tel désarroi que l'Union des écrivains lui propose un séjour dans une maison de repos à Golitsyno. Elle note sur son carnet: il y a de moins en moins de moi en ce monde, comme un troupeau qui laisserait un peu de laine à chaque haie. Il ne me reste que mon fondamental refus. Mais ne pouvant continuer à payer la pension, Elle doit chercher un autre logement et finit par se réfugier avec Moore dans le minuscule appartement de la sœur de Sergueï, à Moscou. Sa vie est une non-vie, c'est ce qu'elle écrit. Un jour pourtant, lueur d'espoir, elle reçoit une proposition de publication des éditions d'État. Pour faire montre de sa bonne volonté, elle répond à la prérogative et fait parvenir un choix de ses poèmes, sans chercher nullement à les modifier pour qu'ils conviennent mieux à l'idéologie régnante. Lorsqu'elle l'envoie aux autorités décideuses, elle a la quasi-certitude qu'il va être refusé. Il l'est, effectivement, par l'un des représentants les plus influents de la littérature officielle, dont le rapport est désastreux. Tsvetaïeva note dans son cahier « Personne ne remarque. Personne ne sait. Depuis près d'un an déjà, que je cherche un crochet pour me pendre. Tout est laid et effrayant. » 1941. Le désespoir frappe si fort Tsvetaïeva qu'elle écrit en février « Il est temps d'ôter l'ambre, de changer les mots et d'éteindre la lampe au-dessus de ma porte. » Le 22 juin, la guerre est déclarée entre l'URSS et l'Allemagne. À partir du 24 juillet, Moscou est bombardée nuit et jour. Le gouvernement organise l'évacuation des civils. Tsvetaïeva arrive le 18 août à Elabouga accompagnée de Moore. Et le chagrin qu'elle éprouve dans cette ville perdue au fond de la Tatarie lui semble plus terrible encore et plus irrémédiable que tous ceux qu'elle a traversés. Le 24 août, elle se rend à Tchistopol, la ville la plus proche, et demande au soviet local de l'Union des écrivains, le Litfond, de lui accorder un emploi de plongeuse. Le 26, elle repart pour Elabouga, la direction du Litfond ayant hésité à engager l'épouse d'un ennemi du peuple. Elle arrive le 28 à Elabouga. L'été tira sa fin. Elle veut mourir. Elle le dit à Moore. Moore pense qu'elle a raison de vouloir mourir. Le 31, elle est seule dans sa chambre. Les paysans qui l'hébergent sont absents et Moore est parti travailler. C'est dimanche. C'est un dimanche désespérant. C'est le 31 août 1941 à Elabouga, au bout du monde. C'est une désolation absolue. Il fait beau derrière les fenêtres. Le ciel est superbe, c'est ainsi que je l'imagine. Mais c'est une désolation absolue. Tsvetaïeva fait de ses mains un nœud coulant. Avant de se pendre au crochet du plafond, elle écrit deux lettres destinées à des personnes susceptibles d'aider Moore et un billet à ce dernier où elle lui demande pardon et lui dit tout l'amour qu'elle porte au sien. Sur le certificat de décès, le secrétaire de mairie note à la rubrique profession « Évacué ». Aujourd'hui, tous ses livres mentionnent Tsvetaïeva, l'un des plus grands écrivains russes du XXe siècle. C'était « Cette femme » de Lydie Salver. Troisième épisode, Marina Tsvetaïeva. Texte dit par Lydie Salver. Avec les voix de Juliette Roudet et Slimane Yevsa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. Cette femme de Lydie Salver est publiée aux éditions Perrin. Pour la radio, le choix des extraits de « Cette femme » de Lydie Salver a été fait par Nadine Egels.